Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Tenny. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Tenny, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Tenny, comment ça va? Ça va et toi? Il paraît que t'as pas beaucoup dormi cette nuit. Pas trop. J'ai des bonnes infos ou pas? Oh, des trop bonnes infos. Il paraît que tu t'es couché tard. Bah, on s'est couché tard avec Laurie parce que vous étiez ensemble. On était ensemble en après studio, Planet Rap. Fred. En studio, ben, en train de bosser. J'allais préciser, tu m'as pris de court. Avec Glory qui était là hier soir, qui est de retour, qui a bossé avec toi sur le EP, qui bosse avec toi pour l'album. Et un morceau qu'on a pu découvrir hier, Glory. Hold Up, un de tes morceaux, il y a eu beaucoup de réactions. Du coup, après l'émission, Tenny m'a proposé une idée et on a enregistré une version spéciale pour aujourd'hui. Une petite surprise. Directement, vous êtes filé en studio, hop. Vous avez dit allez hop, on se le fait. Yes. Version spéciale de Hold Up, donc à découvrir, un morceau qui pour l'instant sera uniquement sur Skyrock. On ne connaît pas l'avenir de ce morceau. Cadeau pour vous? Pour l'instant, cadeau. C'est exclu, ouais. Donc ce sera avant 21h à découvrir. Tout le monde va bien, sinon pas trop crevé, bien la journée. Reposer un petit peu. Yes, ça va. On a récupéré. Et bah parfait, on et est parti. Et toi, Kim, t'as pas fait trop de problèmes hier, ça va? Ça va, c'est pour tout son mec qui m'a posé souci. Il voulait absolument que je vienne. J'ai refusé pour l'instant toutes les avances. Ça va, t'es contente de ton petit coup, hein? Et c'est pas moi d'ailleurs, ce soir je refais le jeu. Action vérité, c'est moi qui te propose un truc ce soir, non? Ah non, tu te trompes. Parce que hier on peut limite annuler ce qui s'est passé. Non, je suis désolée, c'était bon jeu. Donc c'est à moi de m'y coller encore ce soir? Bah non, c'est... Oui, c'est à toi, c'est vrai, c'est à toi. Action vérité, Fred. Vérité. Mm-hmm. On m'a préparé les vérités, les tweetos. Allez-y, balancez action ou vérité. Le hashtag, c'est Tenny sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages à Tenny. Aussi, entre 20 et 21, on découvrira des extraits du EP. Il y aura aussi un gros medley qui est prévu ce soir. De quoi? Du EP? C'est un medley de l'album. De l'album? Ouais, oui. Donc, l'album qui sortira à la rentrée. On pourra découvrir donc des titres inédits dans ce medley. C'est ça. Ce sera tout à l'heure dans l'émission. Et comme chaque soir, on débute avec action ou vérité? Allez, c'est parti. Allez, coup d'envoi. Tenny. Action ou vérité, il est l'heure de faire ton choix. Prends ton temps mais désire-toi, le destin ne t'attendra pas. L'action est vérité, ça en dit beaucoup sur toi. Que veux-tu savoir de moi? Es-tu sûr de faire le droit? Joue le jeu avec moi. Rien. Action ou vérité, Tenny? Ton sourire narquois me met très mal à l'aise. Bah, il faut pas. Mon sourire narquois a une petite feuille entre ses mains, surtout. Je vois ça. On va faire un petit jeu encore, comme d'hab. Ok. On a un petit jeu pour toi qui a été préparé avec l'équipe, avec Fab. Ok. Avec mes deux Fab. J'aime bien vos jeux, moi, au final. Bah, tu... Très bien, attends, celui-ci il arrive. C'est pas le mien. Celui-ci il arrive. Oui, alors c'est action ou vérité. Moi j'ai choisi vérité, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Allez, donc vérité, sans joker, sans rien. D'accord. Tu peux absolument tout savoir, c'est qui appelle. C'est ma copine. Action ou vérité. Elle voulait venir me soutenir en fait. Bah dis-lui de venir, attends. D'ailleurs j'avais annoncé une soirée fille ce soir dans Planète Rap, mais non, parce que Glory est de retour. A priori on avait aussi annoncé Vita, mais Vita ce sera plus tard. Vita ça sera demain. D'accord, donc ce soir c'est un mélange. Ouais, ce soir c'est Glory, c'est des jeunes et jolies futures femmes indépendantes. J'ai vu, il y a eu une super chorégraphie pour ceux qui suivent l'émission là sur le Skyrock FM ou alors sur l'appli. Vous pouvez découvrir aussi ce qui se passe pendant les morceaux, tout ça. On a eu une très belle chorégraphie. Oh, magnifique. On va s'amuser. Deux, trois petits pas de danse, c'est-à-dire on va s'amuser. Bah, on s'est amusé déjà. Il y a d'autres choses de prévues. Bah, en fait, la chorégraphie, elle n'était pas là. Ça, c'était une répète. Hein. Ah, c'était une petite répète. Mais oui. Bah, très bien. On pourra donc découvrir l'intégralité tout à l'heure, avant la fin de l'émission, entre 20h et 21h. 20h pile, est-ce qu'on le met, ce morceau que vous avez enregistré? Parce que moi, j'ai très envie de le découvrir. On le met tout de suite? Bah, j'ai envie de le découvrir, non? Let's go. Bon, allez, c'est donc, parti. Donc, alors, il faut rappeler, hier soir, on a balancé le morceau. C'était ton morceau à l'origine, Glory. C'est mon morceau. C'est toujours son morceau. T'étais tranquille tout seul dessus. Il a fallu qu'elle s'incruste. Non, je sais que c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur, ce morceau. Du coup, hier, quand on a eu vraiment beaucoup de bons retours dessus, par rapport au petit remix qu'on avait fait à la fin, par rapport au titre de son EP, on s'est dit qu'on allait enregistrer une version 1-2. Ouais. Et vous avez foncé en studio juste après l'émission. Juste après. Fini à quelle heure? À 4h. 4h du mat. Ouais. Ok. Ça va, tranquille. Bien. Ça a donc tracé, bossé sévère hier soir en studio. Yes. Et on peut donc découvrir le résultat maintenant. Allez, yes, c'est parti. On y va? Avec Glory, le morceau s'appelle Hold Up. Ouais, ouais, ouais. Yeah, yeah, yeah, yeah. Planète Rap, Tenny, yeah. J'suis entré dans ton cœur en mode Hold Up, Hold Up, Hold Up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. Skyrock. T'es le champagne magnum rosé, carré VIP fait chez toi. Nuit blanche, sommeil perturbé, je ne laisserai pas rentrer sans moi. Tu sais que j'ai ce qu'il te faut, ouais. Ne résiste pas à l'eau. Touche tes dents, le style est mot, ouais. T'inquiète, j'y comprendrai. En mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. Maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. Hold up, hold up, hold up. Tant que toi et moi, we're just one night. We're just one night. Skyrock. Gros gamme au chauffeur privé. Dis-moi où tu veux que mon sommeil. Grosse, grosse envie teintée. Viens, laisse-toi aller, on s'en jaille. Tu sais que j'ai ce qu'il te faut, ouais. Que toi et moi. Oublie tout, rien que toi et moi. Oublie tout, rien que toi et moi. Just one night. Just one night. J'suis entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. Just one night. J'suis entré dans ton cœur en mode hold up, Tenny, yo. Non-stop. Glory sur Skyrock. Bravo, j'ai envie de dire bravo à l'instant. Morceau enregistré cette nuit. En tout cas, merci Glory de m'avoir invité. Non, merci à toi. Bah, merci à vous deux, moi j'ai envie de dire. Merci à vous deux. Peut-être qu'on le repassera d'ailleurs si on a le temps avant la fin, avant 21h. Toujours plaisir. Beaucoup de réactions. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez avec le hashtag Tenny sur Skyrock. Ce morceau donc s'appelle Hold Up en version spéciale pour Skyrock. Titre inédit qu'on ne peut écouter que sur Skyrock, nulle part ailleurs, ni sur les réseaux sociaux. Non, uniquement sur Skyrock, ce morceau de Tenny et Glory, ou plutôt de Glory, avec Tenny en featuring dessus. Exactement. Un morceau que tu nous as annoncé d'ailleurs, tu nous as annoncé de la sortie là, imminente. Yes, imminente, oui. Pour cet été, dans un mois environ. Et toi aussi, c'est imminent parce qu'on m'a confirmé dans l'oreillette que ton album sortirait plutôt en juillet. Ah bon ? Tu n'es pas au courant ? Surprise, je te l'annonce. Tenny. Ah regarde, on te donne même la date. Mais si je le savais, il sort le 10 juillet. Ah bah voilà. Et bah 10 juillet dans les bacs, l'album qui s'appellera Yin Yang. C'est ça. C'est ça, il n'a pas changé de nom ? Non. Non. Très bien, on pourra le découvrir avec un medley tout à l'heure avant 21h sur Skyrock. Est-ce que tu es prête pour mon petit jeu ? Avec mon sourire narquois. Mmh. Le jeu s'appelle le jeu de tes 10 vérités. De mes ? 10 vérités. Parce qu'il y a. Ok. Tu as le droit à un joker. Ah, c'est vrai ? Ouais. Un seul ? Ah bah ouais. Est-ce que je peux avoir toutes les questions d'abord ? Non. Une fois bon, attends. Attends, toi, tu me donnes un truc, tu veux du grand tout ou quoi ? Ça va pas ou quoi ? On y va, on attaque ? T'écoute. Les 10 vérités de jeu, c'est le jeu de Tenny maintenant. Alors, vraiment célibataire ou vraiment amoureuse ? Vraiment amoureuse. Vraiment, vraiment ? Vraiment, vraiment. Ah oui, ça se lit dans tes yeux, là. Ah, ça se voit dans mes yeux ? Ah ouais. T'as vu bébé ? T'as vu bébé ? Il nous écoute ? Ouais. Ah merde, faut pas que je joue trop au con non plus. Hein. Il est musclé ? Un peu. Il a de la force en tout cas. D'accord. Mais beaucoup. T'es sûr qu'il écoute là à 20h06 ? Il a pas d'autre chose, à faire ? Je rougis. Il a pas d'autre chose à faire ? D'accord, allez hop. Deuxième, donc ça pour l'instant, tu n'as pas utilisé le joker, c'est bien. La dernière chose, donc tes 10 vérités, la dernière chose que tu fais avant de dormir. Donc hier soir en rentrant de studio, c'était quoi ? Ah, je pense qu'il y a des gens qui dorment chez toi. Ouais, je sais pas pourquoi ils rigolent eux. Non, mais ils sont nombreux à la maison, vous êtes nombreux en fait, non ? Vous êtes combien ? Non, je suis en coloc avec ma cousine. D'accord. Je sais pas pourquoi ils rigolent. C'est ta cousine ? Non, c'est mon amie. C'est ton amie ? Ma cousine, elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver là. Bah, on attendra, on lui demandera aussi, mais on confirmera ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais avant de dormir ? Bah, j'envoie mon dernier texto de la journée. D'accord. Je mets mon téléphone à charger, toujours. C'est toujours la dernière chose que je fais. Je suis toujours à côté. Toujours être connecté. Voilà, je charge mon téléphone et je m'endors. D'accord, les 10 vérités. Non, mais c'est la vraie d'accord, vérité. D'accord, mais tu vois, très bien, je te crois. C'est quoi ton plus gros défaut ? Oh mon dieu, je suis retardataire, mais c'est un truc de fou. C'est vrai, mais là, t'es à l'heure tous les soirs. Comment tu fais ? C'est un calvaire ? Bah, on demandera à Sarah, là, qui est juste à côté de toi. Ça va ? Confirme ? Sarah, toujours des retards ? Toujours des retards ? Mais ça va varier de combien à combien ? Oh non, ça va, pas des gros trucs non plus. Non, 2 heures, 3 heures. Mais c'est quand même mon plus gros défaut, ouais. Quelque chose que tu peux améliorer, c'est pas très grave. Je peux toujours travailler dessus. D'accord. C'est vrai, j'ai des plus gros. Ah ouais. Attention, ne mens pas, c'est le jeu des 10 vérités. Tu ne peux pas mentir. Tu peux utiliser le joker, mais tu ne peux pas mentir. Non, mais c'est une vraie vérité. Si c'est pas le retard, gros, c'est un des le plus gros défaut, voilà. Le retard. Combien de temps tu passes dans ta salle de bain tous les matins ? Alors vraiment, pour dire la vérité, moi je me prépare rapidement. Je passe. En fait, c'est que j'aime bien passer du temps sous l'eau chaude. Mmh. Et tu chantes ? Normal ? Ouais, ça fait du bien. Quoi. Action vérité. Ouzayane de l'Orignil. Voilà, Ouzayane de l'Orignil. Allez, on va dire 15-20 minutes. 15-20 minutes, ouais. 15-20 ça minutes. Ça va, c'est léger. Non, vraiment, 15-20 minutes. D'accord. Avec qui ? Alors attention, là, on arrive dans le concret. On est déjà à la cinquième vérité. Avec qui tu rêverais de passer une nuit torride ? Avec mon amoureux. C'est la vérité. Il nous fait chier, celui-là. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est trop mignon. Ton rappeur préféré ? Mon rappeur préféré, tu peux dire un groupe de rap préféré ? Ah oui, tu peux. C'est Bone Thugs and Harmony. Ah ouais, Bone Thugs and Harmony ? Ouais. C'est vraiment, ça t'a marqué ça ? Ouais. Vraiment. Et en français, t'as des gens que t'aimes bien ici dans... Dans le rap. Dans le rap français. Bien sûr. J'adore Soprano. Soprano Baba. Il a fait un joli message Soprano pour toi en début de semaine. Ouais, ouais, j'adore Soprano. J'adore Stromae. Je sais pas si... Non, c'est pas vraiment un rappeur. Bah, mais... il a commencé en tout cas dans... Voilà, il faisait... tu sais qu'il faisait des sons aussi. Il a même fait des sons pour Kerry James et tout. Donc il vient de cette culture en tout cas. Artiste ouais. extraordinaire. Mmh. C'est vrai, tu as raison. Attention, on continue. Je t'écoute. Ta position préférée pour dormir. En fœtus. En fœtus. En fœtus. Tu ouais. fœtus. Mmh. Bien au chaud. Mmh. La taille idéale pour un homme. 1m80. Ah, comme ça, oui. Je sais pas. Hein. Bah ouais, c'est pas en détail. Détail, détail, détail. 1m80. Toi, pas, tu mesures combien, toi? 1m75. Donc, faut pas qu'il soit plus petit. Non, si, s'il est plus petit, c'est pas du tout grave. Ça, c'est pas. Fais pas une fixation là-dessus. Ah non. 1m20, 1m30, tu prends. Non, non, non. Pas de problème. T'as pas utilisé tes jokers, il reste deux propositions. Ah bah c'est que hein, je prends bien les questions là pour l'instant. Mark Ronson ou Marc Dorcel? Ça va pas non. C'est quoi? Qui Marc Dorcel hein? C'est qui? Moi je connais pas. Bah je vais te filerai des petites vidéos, t'inquiète. Mark Ronson évidemment. Je te filerai ça, Mark Ronson, le producteur anglais, donc t'es plutôt oui, Mark, oui. mais plutôt en Mark plus, Ronson. Il est stylé avec sa banane là, et ses Ray-Ban tout le temps. J'aime bien son style à Mark Ronson. T'aimes bien le style. Et il fait de la bonne musique. Et il fait des très bons sons en effet. Ouais. Bah, c'est lui avec nos, notamment qu'on connaît avec Bruno Mars, mais qui a produit pour tellement de gens, Amy Winehouse et notamment, ouais, et puis tellement d'autres. Je crois qu'il est bossé aussi pour Lauryn Hill, si je dis pas de bêtises. Mm. Il me semble qu'il est peut-être. Ou Nas. Il est produit pour Nas, mais non, pas Lauryn. On me le confirme. Enfin, est-ce que je suis ton animateur préféré? Tu es mon animateur préféré, Fred. Bravo, bravo, bravo, merci. Même pas utilisé de joker, t'as vu, on était gentils. Hein. Donc je peux le garder pour une action, puis ça, ou une vérité. Tout à l'heure, on jouera ensemble. Moi, j'ai choisi. J'ai encore un joker, on est d'accord. J'ai choisi j'ai vérité. J'ai un joker à utiliser durant tout le reste du planète Rap. Mais toi, t'es. Eh bah, c'est comme ça. Vous avez dû galérer sur le deal. Allez, rude, hein, Tenny. Bon, on écoute un morceau maintenant. On va écouter un morceau, tiens, non pas de ton projet, mais du projet de Rihanna. Ah, yes. Qui sortira là, qui va pas tarder à sortir. A priori, on nous a annoncé fin mai, peut-être début juin. Depuis qu'elle sait que tu sors le 18, elle veut absolument sortir avant. Donc Rihanna, on l'écoute tout de suite. American Oxygen, c'est un autre morceau extrait de l'album R8, tout de suite sur Skyrock. Rihanna à l'instant avec American Oxygen. T'aimes bien aussi ce morceau, celui-ci? C'est vrai? Ouais. Et le clip aussi elle, incroyable. Elle est trop belle, hein. Elle est trop belle dans le clip. Bah, plutôt jolie, tout le temps jolie, Rihanna. Oui, bah tout le temps magnifique, ouais. Tout le temps magnifique. Mot, mais ouais, dans ce clip, elle est particulièrement jolie. Bon, ça va, tu te défends pas mal aussi. Ça va, j'essaye, quoi. très humblement. Me débrouille un peu. Ça va. Il y a des images d'ailleurs de toi, des clips qui arrivent prochainement. On va pouvoir aussi découvrir de prochaines images de morceaux qui ont été clippés. Il y a des. Bah écoute, moi je ne sais pas qui aurait clippé à ma place. Mais... Non, mais je te demandais juste s'il y avait des choses qui étaient en cours. Il n'y a pas de clip en cours, mais on prépare des belles choses à venir. Là, juste après le Planète Rap, je vais me focus sur les premières parties de MP. Bah oui, ouais, ça approche. À partir du 20 mai, tu seras en tournée avec MP. Grosse, grosse pression. Je suis tellement heureuse de pouvoir faire ces premières parties que là, je vais me mettre à fond dedans. J'aurai une semaine pour terminer mes répètes et vraiment me préparer et être montée à bloc. T'as fait beaucoup de scènes auparavant? Pas beaucoup, non. Non. Non. C'est quoi? C'est plutôt une angoisse la scène pour toi pour l'instant ou c'est Là, ça va de mieux en mieux. Au début, j'étais très angoissée. Je faisais même des crises d'angoisse carrément avant de monter sur scène. Mais là, ça va de mieux en mieux. D'accord. Donc on pourra je découvrir. Fais des progrès. À partir du 20 mai. Puis en plus, c'est une grosse tournée. Hein, donc c'est une tournée énorme. Donc, pas de mettre la pression, mais ils sont nombreux à t'attendre aussi. J'imagine. Ou d'ailleurs, ne pas t'attendre, ce qui est assez terrible d'ailleurs sur les premières parties, puisqu'ils attendent généralement l'artiste. Exactement. Derrière. Donc il faut soulever en l'espace de 15-20 minutes, soit des grosses scènes comme le Zénith, ce sera le cas le 12 et 13 juin, et puis d'ailleurs différents Zéniths dans la France entière pour MP. Bah, je préfère qu'on ne m'attende pas qu'on jette des tomates, parce qu'on veut voir Max. Mais qui veut te jeter des tomates? Des fois, c'est ça les premières parties aussi. C'est pas toi qu'on veut voir! Ce serait pas sympa sur Tenny, hein? Ouais, pas du tout, non. Franchement. T'aimes les tomates? Pas dans la face. Voilà, pas dans la face, donc. Mais je pense que le public en plus de MP va bien t'accueillir. Non, je prépare un truc sympa, je suis sûre qu'ils m'accueilleront bien. En tout cas, je suis très très très heureuse de pouvoir faire ses premières parties et de retrouver son beau public. C'est à partir du 20 mai avec notamment les Zéniths de Paris les 12 et 13 juin prochains. Glory est là aussi avec nous. On a entendu votre morceau Hold Up. J'ai vu aussi les réactions. Ça continue. Balancez avec le hashtag Tenny sur Skyrock. On mettra un autre morceau qui s'appelle Le Temps. Juste après la pub, Tenny, ça te va? Ça me va. C'est un morceau. Vous avez bossé d'ailleurs. Ouais, qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Avec Landry et Glory. C'est la fine équipe. Yes. Et ça a écouté juste après ça. Bougez pas. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Tenny pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Tenny. C'est Tenny sur Skyrock. Quel morceau, le temps avant de la retrouver au micro. Sur Skyrock. La voilà. Tenny sur Skyrock. J'essaie de t'oublier, mais mon cœur est tatoué à l'encre des douceurs qu'on s'échangeait. Le vide est abyssal, la douleur infernale. J'essaie de t'oublier, mais tu me manques. Les yeux fermés, je ne vois que toi. Entre nous, reste-t-il un peu d'espoir? Le temps s'en... Aïe, aïe, aïe. Passez une bonne soirée dans le Planet Rap. C'est pas pour toi hein, que je disais aïe, aïe, aïe. Hein. Je suis entouré, là. Ah, c'est ton style. Momo, il vient de découvrir qu'il y avait une galette des rois du mois de janvier. Il a redécouvert la couronne. Tu il se balade avec. C'était le style de Fred, Momo. Ah. Dans quel sabbat? C'est son style, apparemment, parce qu'il a fait aïe, aïe, aïe, je suis trop bien entouré. Non, j'ai parlé aussi de Sarah que tu connais qui bosse avec toi. Momo, fais pas genre. Ah, même, hein? C'est pour ça que je dis, je suis bien entouré. J'ai Momo avec sa couronne du mois de janvier. Mec vient de tirer seulement la fève maintenant. Et Sarah, que tu connais bien, qui bosse avec toi chez Warner, qui elle joue à la Sky Roulette par téléphone. C'est-à-dire que voilà, t'es bien entouré et en face, heureusement, tu es là. Merci. Tu es là toute la semaine. Tu es là, mon animateur préféré. T'es chelou, mon gars. Ça te plaît pas ces petits bruits bizarres? Non. Non. Bon. Ok, je les garde de côté pour un peu plus tard. Pour d'autres personnes qui sont plus réceptives. Le Planet Rap de Tenny avec Glory qui est là aussi avec nous. Avec, j'ai vu, vous avez répété plein de choses avec les filles qui sont là aussi dans le studio. Bah, on n'a rien répété, arrête. Mais je vois que ça danse en tout cas. Bah, ça danse, elles ont envie de danser sur Femme Indé par exemple. Et bon, on le mettra tout à l'heure. Ou tu le feras d'ailleurs tout à l'heure en live peut-être. Ok. À pas louper, il y a aussi un medley qui se prépare dans un instant. Donc vous allez pouvoir découvrir des titres inédits de Tenny qui sortiront tous le 10 juillet. Ça y est, on peut annoncer la date, l'album c'est le 10 juillet. Il s'appellera Ying Yang, on va découvrir ça dans un instant. Juste avant, on est avec Slimka de Metz. Salut Slimka. Comment c'est Fred, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. T'as vu, on est bien cette semaine? Super, Tenny, ça va, tranquille. Tu connais Tenny? Tu connaissais Tenny? Ouais, tu sais quoi, j'ai découvert il y a à peu près un mois, et puis moi je trouve qu'elle apporte quelque chose de frais, tu sais. Franchement, oh, bref, je respecte le travail et tout, je respecte, voilà. Merci beaucoup. Ça tue. Merci. C'est vrai, tu apportes une fraîcheur, Tenny. Ouais, c'est ça. Merci, merci, poteau. Et bah, Simke, on va t'écouter rappeler maintenant. Il faut de la fraîcheur. On va t'écouter. Je rappelle aussi que cette semaine, pardon, vous repartez avec le Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion de la sortie du film. C'est aujourd'hui, hein, le film Pyramide. Il est sur grand écran à Metz et dans toute la France. Et à cette occasion, ici, tu repars avec ta Tab 4, la Samsung Galaxy. On t'écoute rapper. C'est parti. C'est parti. Slimka. Prodige Music. Sur Skyrock. Hein. Écoute ça, ma gueule. Mets le son à fond. Vas-y, fais péter les watts. Mets le son à fond. Vas-y, fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y fais péter les watts, hein. Dans un autre univers, ta go me fait péter les boulons. Je vois le temps qui défile, j'ai 40 MC dans le sillon. Le regard en dilon, j'en ai enquillé des pilons. Toujours à l'affût d'un filon, redescends connard, suis pas ton fiston. Coincé dans l'appart avec mes salopards. J'arrête les conneries, les coups fourrés, je me barre autre part. À force de penser à mon futur, j'ai pris du retard. Je laisse embrouiller pour des histoires de territoire. Pas de cocaïne, ça fait toujours clean. Fier de mes racines, t'auras pas l'Oscar mec, t'es mort dans le film. Arrête de faire le padre, faut gérer sur le ring. Quand t'as pas encore le royaume, rien ne sert de faire le king. Je cours après le bonheur dans le rail, y'a pas de sauveur. J'en ai rien à foutre des honneurs, tu peux remballer tes faveurs. L'avenir m'appartient, je suis le seul maître à bord. Je reconnais mes torts, l'amour de la famille ça vaut de l'or. Mets le son à fond, vas-y fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y fais péter les watts. En un couplet je les fume, les poèmes qui passent à la trappe. Mets le son à fond, vas-y fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y fais péter les watts. Mets le son à fond, vas-y fais péter les watts. En un couplet je les fume, c'est des Slimka dans Planète Rap, piatch. Yes, Slimka, okay. À l'instant en freestyle. Merci. Eh bah bravo à toi Slimka. Merci Fred, tu mérites largement la Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion de la sortie du film Pyramide, c'est pour toi. Easy, on aime ça, je peux lâcher vite fait l'adresse de mes sites. Vas-y. Ok, alors si vous voulez me retrouver, alors mon Facebook et mon Twitter, c'est Slimka Official. Slimka Official, si vous voulez me retrouver sur Facebook, sur Twitter. Voilà. S-L-I-M-K, tout simplement. Ouais, Slimka Official, tout attaché. Merci à toi. Direct. Merci à toi. Passe une bonne soirée, Slimka. Salut, Slimka. Tenny, avec nous entre 20 et 21. Glory et l'Océan, il est grand temps maintenant de passer à ce medley. Donc, des gens vont découvrir des titres inédits. Des titres inédits pendant de l'album. Une grosse dizaine de minutes. Cool. Toi, t'as tout écouté, Glory, ou pas? Ouais, j'ai eu la comme chance de en tout studio. Écouter, ouais. Comment elle est d'ailleurs en studio? Balance un petit peu, Glory. Comment elle est Super fun, franchement, les séances, c'est des barres derrière. Super fun, non, mais c'est. Non, mais. On arrête la langue de bois, stop. Non, il n'y a pas de langue de bois, honnêtement. Ouais. Qu'est-ce qui... garde ta langue de bois. Qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, de temps en temps, peut être désagréable? Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le croustillant, tu quand sais. Quand elle bloque sur un texte et qu'elle n'arrive pas à trouver, il lui reste genre 2-3 verses et qu'elle bloque, ça lui prend un peu la tête, ouais. C'est vrai? Ouais. Et donc, ouais. En gros, je deviens relou, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Elle demande des pauses, il lui faut du temps. C'est ce qu'elle dit très, tu sais, d'une manière très, très jolie, très enrobée par Glory. Yes, grave. Non, mais ça va, tu peux dire les choses. Non, franchement, les séances en studio, c'est que du kiff, franchement. On est vraiment fois, sur la même chiante, vibe. Avoue-le. Julio. Ouais, quand même un peu, hein, mais ouais. Voilà, ça commence, on est mercredi, c'est bon, d'ici la fin de semaine, on sort la boîte à dossier. Non, honnêtement, parfait. C'est que quand elle bloque vraiment sur les textes, du coup, on part en gros débat en plus quand on crée ensemble. Oh, et débats. Elle va vraiment pas lâcher l'affaire, quoi. C'est genre, j'ai trouvé la bonne phrase qu'il faut, mais non, c'est pas ça que je veux, c'est pas exactement ça. Du coup, ça prend du temps, et là, ouais. Tu refais beaucoup, toi, les morceaux, quand tu les as écoutés finis, ou du moins, voilà. Alors, tu sais quoi, il y a à peine un mois, je pense que j'ai fait une frayeur à mon manager, je lui ai dit, ça va pas, je veux changer tous mes textes. Tout l'album. Sympa. Sympa, deux, trois mois de la sortie. Non, mais si tu veux, des fois, j'ai des réactions un peu psycho-émotionnelles que je comprends pas. Tu vois, des fois, j'aime ce que je fais. Des fois, je me dis, oh non, c'est pas assez bien. Des fois, non, il faut tout revoir. Des fois, c'est comme ça, c'est ça le processus artistique, quoi, je pense. Eh bah, écoute, alors, on te laisse 10 minutes pour savoir si c'est validé ou pas. Bon courage, ça se trouve, ce soir, vous retournez tous en studio faire un nouvel album. Yes. Tu cet album, par contre, j'ai vraiment, je me suis vraiment donné corps et âme et j'ai mis toute la créativité que j'avais autour de moi, Glory, Julio, Lux, Like, Too Buzz Lab. Enfin, vraiment, on a bien bossé et j'en suis vraiment fière. Et bon, on va le découvrir maintenant. Tiens, balancez des réactions. Dites-nous si ça doit sortir ou pas. C'est le grand jeu. Ça doit sortir ou pas le 10 juillet avec les morceaux. La tête que tu fais, genre. Le mec, il va me pourrir la sortie de l'album. 41-759 pour réagir avec le hashtag Tenny sur Skyrock. On y va. On écoute ce medley. On écoute. Allez, ce medley. C'est parti. Ying Yang, ça arrive. Hey. Action ou vérité, il est l'heure de faire ton choix. prendre ton temps, mais désire-toi. Le destin ne t'attendra pas. L'action est vérité, ça en dit beaucoup sur toi. Que veux-tu savoir de moi? Es-tu sûr de faire le poids? You feel it? Tell me if you're ready for a taste of that LA. I'll open up your taste buds. Hope you like chile, chile, chile. Mais donne-moi ton chef étoilé. Dis-moi si tu aimes. Passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro, ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne ça. Le pouvoir aux femmes et pas la femme au pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. La fin dit ce qu'on a raison avant, refuse de nous croire. Et si on révisait la façon de nous voir. Dis-leur qu'on est des plans A, y'a pas de plan B. On verra si tes volages, les ailes plombées. Il serait temps de réviser la façon de nous voir. Aujourd'hui sonne le début d'une nouvelle histoire. Bad bomb killer. Bad bomb killer. Skyrock. Planet Rock. Se remplit aux aurores. Pas fermer l'œil de la nuit. Alors mes larmes coulent encore. Et mon cœur se vide dans ce décor. Paraît que la nuit tout s'oublie, mais tout revient encore. Trois shots et on se part pour de vrai. Trois clopes et c'est le monde qu'on se promet. On fait tout ce qu'on devrait. Tout est clair quand tout est flou. Que ça soit pas propre au dancehall. Au bout de la nuit, on s'appelait sous ça. Et augmente le son et on danse sur le dancehall. Comme ça la vie, on s'appelait sous ça. Et augmente ton son, que ça soit pas propre au dancehall. Na na na na na. Talent s'exprimer, ton sourire oh comme fait kiffer. T'es ma destinée, je veux t'estimer. Tu te retenais, je t'ai délivré. Pourquoi lutter, comment esquiver? Un coup de foot qu'on a mérité. Pas de mots qui gênent, je suis ton oxygène. Je vais te rendre heureux si tu peux l'espérer. On est l'instant, on finit sur le morceau, c'est le nom de l'album Yin Yang. Voilà, on a pu découvrir un petit aperçu de plein de morceaux qui figureront le 10 juillet dans les bacs. Ouais. Cet album Yin Yang, l'album de Tenny. C'est ça. On fait connaissance avec toi toute la semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap, avec Glory ce soir qui est et là. Je suis super content, les gens vont vraiment bien réagir au medley. Ah bah ouais, on peut. C'est cool. Ouais. Tenny, elle a un vrai style, il tue ce son, allez-y. Tenny, c'est moi qui ai créé le compte Instagram Fan Club de Tenny, bah on te salue en tout cas. Merci, gros bisous Colline, gros bisous ma Colline, t'es ma best. J'ai tout adoré, baby, bravo, c'est un message qui arrive à l'instant. Merci ma Tenny Tribe d'amour, mon Dylan, je viens bientôt au Mans. Pas mal ce medley, l'album s'annonce prometteur, c'est Benoît qui nous envoie ça, on le salue. Tenny, tu es trop belle, oui c'est vrai que sur les morceaux ça s'entend. Tenny, elle est parfaite, merci, ses sourcils, Soraya. Son bonnet. Merci pour mes sourcils, Soraya, merci beaucoup. Fais voir les sourcils, ouais. C'est incroyable, la perfection jusque dans les sourcils. Eh ben merci. Ça pourrait être un beau slogan pour l'album, tiens. Tenny, la perfection jusqu'aux sourcils. Et ben voilà, tiens, 10 Paco juillet, je le pécho, big je le pécho toi, direct. Paco. Voilà, depuis tout à l'heure, je vois tes messages. Bons messages. Merci beaucoup, Paco. Et ça n'arrête pas de défiler avec le hashtag Tenny sur Skyrock. Est-ce que tu es prête à chanter maintenant, Tenny, s'il te plaît? À chanter. Femme indé. On va faire femme indé. Allez. Glory, let's go. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je vois qu'elle a préparé un petit truc et tout, donc j'ai envie de voir ça, ouais. Eh ben, on y va, on attaque. Ah, il faut que tu te... C'est ça, il faut que tu changes de place, c'est ça, ouais, pour que... Je vais me mettre là, debout. Bah tiens, viens alors, viens là. Tiens, installe-toi ici, hop. Le temps de vous rappeler qu'on fera tourner la roulette dans un instant. Les inscriptions par SMS 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone, la roulette qui va tourner, 60 euros de bon d'achat, la compile Planète Rap 2015 qui est dans les bacs, évidemment. Et Tenny, t'es pas prête. En fait, j'aurais jamais dû te demander de te lever, Tenny, hein. C'est ça ton défaut, c'était lente en fait. Oh là. Attends, je vais voir ma petite. Les sourcils, je veux bien, mais la lenteur aussi, hein. On y va, on attaque Tenny. C'est parti, les filles, vous êtes prêtes? Tout le monde est prêt? On peut y aller? Femme indé. Femme indé, c'est parti. Mais independent ladies. Tenny sur Skyrock, yeah. Ça va les filles? C'est pour vous ça. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Une femme indé précise décidée au micro, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Le pouvoir aux femmes mais pas la femme au pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. La fin disent qu'on a raison, avant refuse de nous croire. Et si on révisait la façon de nous voir. Dis-leur qu'on est des plans A, y'a pas de plan B. On verra si tes volages les a plombés. Il serait temps de réviser la façon de nous voir. Aujourd'hui sonne le début d'une nouvelle histoire. Hey. Donc pour le maintien de la paix, les machos faut zapper. Oui, les femmes ont changé, force est de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues, c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Je paye ma part. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro, ça donne ça. Ça donne ça, ça. Je paye ma part, goûter comme mon loyer. Le pouvoir aux femmes mais pas la femme au pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. À la fin disent qu'on a raison, avant refuse de nous croire. La façon de nous voir. Donc pour le maintien de la paix, les machos faut zapper. Oui les femmes ont changé, force est de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Je paie ma propre bouteille comme mon loyer. Et on m'a manicuré. Mais assistant, s'il laissait aller. Que toutes les femmes indépendantes. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Comme un déprécise décidé au micro, ça donne ça. Ça donne ça. Tenny sur Skyrock. Comme ça, passer comme ça. Dans Planète Rap, passer comme ça. Passer comme ça. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Madame Indé à l'instant. Merci à toutes mes girls derrière moi. Ouais. Qui sont venues te soutenir. L'assista, merci beaucoup. Toutes mes petites sœurs, mes grandes sœurs, merci. C'est bon maintenant les filles. Après ce moment de revendication, on rentre, on s'occupe des mecs. Allez, c'est parti. On va faire la bouffe. Allez, on y va, c'est parti, on remballe. C'est la fin du Planète Rap. T'as préparé quoi pour ton amoureux soir? Je le vois pas ce soir. Bon merde. Tu me laisses tranquille avec mon amoureux? Non, je vais te traquer, non? Pourquoi te laisser tranquille? Non, tu peux. Ah oui, la vérité de Fred. Ah non, mais qui a balancé? Qui a balancé? Ça, c'est pas sympa, j'ai essayé de m'en tirer sans truc, sans action ou vérité. C'est toi qui a balancé tonton? C'est pas sympa. Hein. Non, on fait tourner la roulette, t'as le temps de réfléchir. Bouge pas, allez, on fait tourner. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planet Rap 2015 et un bon d'achat de 60€. Skyrock. Je pensais m'en tirer, mais non, impossible. Asia de Nancy, ça va bien, Asia? Merci. Ouais, toi? Ça va, en pleine forme, tu connais Tenny? Ouais, ouais. C'est notre invité toute la semaine, Tenny. Salut. Asia, Tenny, Asia. Enchantée, Asia. Du côté de Nancy, tu es prête à faire tourner la roulette? C'est parti, Asia. Bonne chance. Ouais, merci. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, compile Planète Rap 2015 et 60€ en bon d'achat qui arrive à la maison du côté de Nancy. Merci. Ça fait toujours plaisir. C'est pour toi, Asia. Tu veux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Donc, je fais une dédicace à toute ma famille, à mon lycée, Henri Loris, toutes les personnes qui me reconnaîtront, et puis au du Lièvre. Et merci. Eh ben ça roule, on te fait un bisou, Asia. Merci. Ciao. Bisous, Asia. Ciao. Tenny, merci pour cette soirée. Merci à toi, Fred. C'est bon, on arrête là? Ouais, ça va, t'inquiète. Je te laisse respirer aujourd'hui. Demain, action vérité, on pourra remettre ça, ce sera mon tour en plus, donc c'est très bien. Merci à Glory d'être passée aussi. Yes, merci à toi. Glory, je sais pas si tu repasses d'ici la fin de semaine, mais peut-être d'ailleurs. Ouais, je pense que je repasserai, ouais. On le verra. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter évidemment la sortie de Hold Up rapidement là. Ouais, la sortie de Hold Up rapidement et surtout la réussite du titre quoi, ça serait cool. Avec puis, un beau clip. Et puis on le remettra certainement ce morceau parce qu'on n'a pas eu le temps ce soir, mais moi, j'aime trop. On le remettra peut-être demain. Ah trop bien. Demain on le remettra la version que vous avez offert et fait en studio. Ce soir pas de studio, rien, repos. Non, repos ce soir. Repos ce soir. Souffler un petit peu. Un peu quand même. Merci à vous toutes, mesdemoiselles. Merci les filles. Merci. Allez, d'être passées dans ce Planète Rap et tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont envoyé des messages pour Tenny. Merci, ma Tenny Tribe, ma Tenny Army, mon Tenny Gang. J'aimerais faire un gros bisou à ma famille à Dakar. Je sais qu'ils sont en train de me regarder en direct aujourd'hui. Grosse dédicace. Gros bisous à vous tous. Et on pense tous à Papy aujourd'hui. Je vous aime. Une grosse dédicace. Et voilà. Beaucoup de pensées et de force pour vous, en tout cas, là-bas au Sénégal. Merci à Tenny. Demain, on se retrouve un petit peu avant 20h. Et normalement, nous sommes avec D-Fool qui, je crois, est D-Fool futé. Et qui est bientôt au téléphone. Et ouais, il va nous faire un point sur la circulation. Apparemment, les quais sont fermés. Bah oui, parce que ça déborde. Ah ouais. Ça déborde. La Seine déborde. Mais si, ça déborde. Ah, c'est mal foutu, votre truc. Quoi. Bah quoi, c'est mal. Mais quoi, et quand il pleut 2 heures, le truc, ça déborde. Samy, c'est un fleuve. Hein. C'est pas la Méditerranée. Ah, ouais, ça déborde jamais, gros. Bah, n'importe. Bon, on essaye de l'appeler pour tout dire, Fred. Ah, on est en train d'appeler. Donc la radio libre 01 53 40 30. Tu es tout seul, Samy? Cédric vient d'arriver avec son bomber. Je suis avec Momo aussi qui est là. Ouais, tu peux le garder. C'est pas un bomber, non. Momo qui est là aussi, que je vais vous envoyer, qui va pas tarder à arriver. Ça va alors. Et puis Tenny qui est là aussi, si tu veux dire un petit mot à Tenny, Samy, n'hésite pas. Si tu veux l'inviter à Marseille. Tu as été à Marseille, Tenny? Tu faut jamais été à Marseille encore. Juste appuyer sur le bouton, vrai, Samy. Et Samy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Eh ben quand tu veux, Tenny. Franchement, tu es bienvenue. Elle a bien. On va se boire un petit Jeannot tranquille au soleil. Tu as entendu le coup qu'il m'a fait en plus en début de semaine où il a fallu que je tweete à l'LOM. oui, mais ça c'est bon ça, Fred. Ça l'a fait rire encore. Est-ce que D-Fool est arrivé, enfin au moins par téléphone? Il est là. Mais non, ouais, l'arrivée non. Non, l'arrivée. Tu fais du bateau encore? Tu fais du bateau, D-Fool? Oui, alors la prochaine fois j'irai en bateau. Ouais. En barque. Il y a quoi? Il y a des inondations sur les quais. Mais ouais, je crois que ça déborde. Ça déborde là, la Seine déborde. Il y a eu trop d'eau ces derniers temps, donc ça déborde. Ah ouais, c'est jamais bon l'eau, hein, Marie l'avait déjà dit. Ouais. Là, pas trop d'eau, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, c'est bien, je fais comme vous pouvez nous appeler d'ailleurs, dès maintenant, si vous voulez passer à l'antenne comme moi, vous faites 01 53 40 30, vous pouvez même le faire de votre voiture, profitez-en. Vous pouvez le faire de chez vous, profitez-en aussi. Et puis vous tombez sur toute l'équipe, mais on arrive dans un instant, ça y est, on a quitté le bateau. Et on arrive et on te donne rendez-vous, Fredo, demain. Avec Tenny, qui sera là avec demain. Avec Tenny, que j'ai entendu encore. Oui, elle est là, elle t'écoute. Demain, les elle amis, t'écoute lui, attentivement. C'est bon dans les bouchons, Planète Rap. Merci. Ah, oui, et demain, ça on en va, je t'ai pas trop fait chier avec Fred Musa sur Skyrock. Non, pas jamais. Trop. pas trop, hein, Tenny. En tout cas, gros bisous, Tenny. Gros bisous à vous. Et 01 53 43, je vous disais, vous nous appelez. Il y a l'équipe qui arrive, qui se reconstitue en direct. Il y a qui? Donc, j'ai entendu Cédric. Ouais, Cédric qui est là, qui s'installe. Ouais. Momo qui est dans le coin. Et Momo qui a découvert la galette des rois. Il porte la. C'était il y a 3 mois, Momo. C'est à l'ancienne. Il porte la couronne des galettes des rois. C'est Noël au mois de juin. Qu'on a eu au mois de janvier. Il a découvert une couronne. Il la porte depuis ce soir, Momo. Je sais pas pourquoi. C'est ton délire avec la couronne. Allez, t'es là. Elle était là. Elle était là. Roi de je sais pas quoi, même si j'ai une idée pour toi, Momo. Elle était là, je l'ai mise. Elle était là, je l'ai mise, normal. Normal. Eh bien, Momo. Bon, mais laissez pas traîner les capotes usagées, parce que ça va vous faire pareil. Elles étaient là. Bon, allez, on arrive tout de suite si vous avez un truc à nous dire, si vous avez un coup de gueule à pousser, si vous voulez faire les cons avec nous, si vous voulez débarquer en direct. C'est parti, on se fait Florida tout de suite avec Going Down for Real. Et puis on se retrouve en direct tout de suite. Ciao, ciao à toutes. Ciao. Salut Fred, salut Kenny. Et à tout de suite, tout le monde. Toute la journée sur Skyrock.